l'évolution fiscale. Sur France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Le président états-unien souhaite mettre en place un taux minimum de 21% sur les sociétés américaines, où qu'elles agissent dans le monde. Une façon pour lui de financer son plan de relance, mais les conséquences de ce plan sur le reste du monde sont encore difficiles à chiffrer. C'est le thème du temps du débat. Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h en compagnie de Valérie Zenati. Sur France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte. Romancière, essayiste, traductrice et scénariste, Valérie Zenati est plongée dans l'écriture sous toutes ses formes. Elle a aussi écrit pour la jeunesse. À l'occasion de la nouvelle publication de son premier roman, En retard pour la guerre, nous reviendrons sur son parcours et ses méthodes de travail. Affaires culturelles, aujourd'hui à 19h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Vous écoutez France Culture, tout de suite, Nicolas Martin. En 1928, Alexander Fleming va sans le savoir révolutionner la pratique de la médecine moderne en découvrant les antibiotiques, ces molécules redoutablement efficaces pour détruire les bactéries et donc lutter contre les infections qu'elles provoquent. Mais si la lutte contre les infections bactériennes a fait un bond de géant il y a un siècle, il n'en va pas de même dans la lutte contre les infections virales. Les antivirus existent certes, certains sont même très efficaces sur des virus en particulier, mais il n'y a pas en virologie d'antivirus universel ou à large spectre qui permettrait notamment de prévenir des virus émergents comme tient le SARS-CoV-2. Anticorps à large spectre, bientôt un antivirus efficace. C'est le programme neutralisant qui est le nôtre. Bon alors qui vient, bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer la complexité de la recherche fondamentale autour de ces BNABs pour Broadly Neutralizing Antibodies, ou donc anticorps à large spectre neutralisant, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Brigitte Autran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure émérite d'immunologie à Sorbonne Université, coordinatrice du groupe Anticorps Monoclonaux à l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Maladies Infectieuses Émergentes. Et Olivier Schwartz, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'unité virus et immunité de l'Institut Pasteur. Mais on commence par un tour de l'actualité des sciences et du Covid. C'est avec Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, cette étude parue dans la revue Science face au SARS-CoV-2, les réponses des lymphocytes B des enfants ne sont pas les mêmes que chez les adultes. Et en matière de système immunitaire, nous ne sommes pas tous égaux, surtout au fil des âges. Alors, parmi les acteurs de la défense immunitaire, il y a les lymphocytes B, des globules blancs qui sont un peu le disque dur, qui gardent en mémoire les agents pathogènes que nous avons déjà croisés. Les cellules B vont reconnaître un antigène auquel elles peuvent se lier et reproduire de bons anticorps, c'est ce qu'on appelle la réponse clonale. Une équipe internationale a analysé des échantillons sanguins de 114 adultes et de 51 enfants de 1 à 3 ans prélevés avant la pandémie. Il se trouve que, contrairement aux adultes, le sang des enfants contient plus de cellules B capables de se lier au SARS-CoV-2. Alors cela signifie que la mémoire des cellules B varie selon l'âge, et selon ce papier, les rencontres antérieures à d'autres coronavirus ont permis de stimuler la mémoire immunitaire des enfants. Alors cette différence cellulaire entre les petits et les grands, c'est peut-être ce qui explique en partie pourquoi les enfants sont plus résistants face à ce virus. Et on va faire un petit rappel du système immunitaire et de son fonctionnement dans quelques instants, puisque c'est le thème de notre émission du jour. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue Nature Human Behavior, en Asie, la domestication des animaux est plus ancienne qu'on ne le pensait. en arrière pour voir apparaître les premiers moutons, les premières chèvres et bovins domestiques. Une équipe internationale, dont des chercheurs du CNRS, a examiné le site archéologique Obichir 5 dans le sud du Kyrgyzstan. Les empreintes zoologiques et l'ADN ancien des ossements montrent qu'il ne s'agit pas d'animaux sauvages, mais bien d'animaux domestiques. Ce sont les premières preuves de l'utilisation du bétail en Asie centrale. La domestication des animaux remonte à au moins 8000 ans, ce qui fait de cette région l'une des plus anciennes zones d'élevage au monde. Une étude parue dans Nature Communications éclaire le processus de vie, de fin de vie des axones. Et du moins chez la drosophile. Les axones, ce sont le prolongement du neurone. Et lors du remodelage neuronal, qui est nécessaire à la survie du système nerveux, les vieux axones sont éliminés pour permettre la repousse de nouveaux axones. Des chercheurs français ont découvert, sur un modèle de mouche, que les vieux axones produisent un signal neuronal. Ce signal, qui a été baptisé Orion, attire les astrocytes, des cellules gliales chargées de protéger les tissus nerveux et qui engloutissent les vieux axones. La découverte de ce signal peut avoir des implications pour la recherche sur les maladies neurodégénératives. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Psychological Science, les chiens ressentent eux aussi de la jalousie. L'amour d'un chien pour son maître. Des chercheurs australiens ont mené une expérience avec 18 chiens et leurs propriétaires. Les chiens, qui étaient attachés à une laisse, ont regardé des vidéos de leur maître en train de caresser soit un objet, soit un autre chien. Alors face à ce spectacle, les chiens ont montré un comportement jaloux. Le dynamomètre de la laisse a montré qu'il tirait dessus très fortement. Alors chez les enfants jaloux, on observe des comportements similaires pour perturber l'interaction de leur mère avec un rival. Et même lorsque le chien rival était caché à l'écran, les chiens réagissaient vivement, ce qui signifie qu'ils ont aussi la capacité mentale de se représenter une situation qui les rendrait jaloux. Ce qui explique peut-être pourquoi Gaston me plante ses griffes dans les cuisses quand je regarde des vidéos de petits chats sur Internet. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. C'est un peu le graal de la virologie, trouver une molécule, a priori un anticorps, qui pourrait fonctionner non pas sur un virus précis, ni même un groupe viral incluant toutes sortes de mutations, mais plusieurs virus du même type. Bref, un anticorps non pas spécifique, mais générique, qui permettrait de combattre en amont différentes formes d'infection. Mettons totalement au hasard un anticorps qui pourrait neutraliser par exemple tous les coronavirus. Tiens, ça aurait pu être pratique ces derniers mois. Malheureusement, ce type d'anticorps dit à large spectre, s'ils existent bel et bien, sont non seulement compliqués à identifier, mais également à cloner et à utiliser. Précisément parce que la nature a fait des anticorps, des armes spécifiques qui s'attaquent à un type de virus en particulier, et non des armes génériques qui sont celles du système immunitaire inné, la première ligne de défense déjà très efficace, parce que précisément très générique. Néanmoins, quelques lumières commencent à apparaître au bout du tunnel de la recherche en immunologie, des lumières qui contredisent d'ailleurs la façon dont on considérait les anticorps il y a encore 60 ans. Écoutez notre archive du jour, c'est un extrait de l'Université Radiophonique Internationale en 1961. Chaque individu à l'intérieur d'une même espèce, présente des caractères biochimiques propres qui le caractérisent. Ces particularités biochimiques d'une espèce ou d'un individu ont été mises en évidence par la propriété que possèdent les organismes supérieurs de produire des anticorps après introduction dans leur organisme de substances qui n'entrent pas dans leur constitution. Cette propriété définit l'individualité. Celle-ci est liée au caractère physico-chimique de certaines molécules. Les anticorps que produit un individu contre une bactérie, un virus, des cellules d'une autre espèce animale, des cellules d'un autre individu de la même espèce, sont spécifiques de cette bactérie, de ce virus, de cette autre espèce animale, de cet autre individu, ou plus exactement de certaines de leurs molécules, les antigènes. Voilà, l'extrême spécificité des anticorps décrite en 1961. Une réaction à cette archive, Brigitte Autran ? Oui, bah écoutez, je trouve que ça reste d'actualité. Je ne sais pas qui vous aviez interviewé, mais ça reste tout à fait vrai. On en connaît beaucoup plus aujourd'hui, on sait définir cela de façon beaucoup plus fine. Mais l'esprit reste vrai. Olivier Schwartz. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de Brigitte. On pourrait ajouter que c'est bien sûr une simplification parce qu'en fait, les anticorps vont reconnaître un antigène, une structure, en fait, une conformation, et ils peuvent également être cross-réactifs ou polyréactifs, on sait maintenant, ça veut dire que cette structure peut être présente sur des molécules du soie, par exemple, ou sur d'autres microbes proches. Donc, c'est la notion de départ, mais qui a évolué un petit peu au cours des années. C'est la notion d'immunité croisée, on y reviendra certainement tout à l'heure. Au mois de février, un commentaire dans la revue Nature incitait à reprendre dès aujourd'hui la recherche sur ces anticorps dits à large spectre pour prévenir les futures épidémies ou les prochains virus émergents. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Pourquoi est-ce que, au fil du temps, justement sans la menace qui est celle de la pandémie actuelle, la recherche n'est pas progressée plus que cela sur ces anticorps spécifiques, enfin généraux, plutôt que spécifique, Brigitte Autran. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, on focalise beaucoup sur des anticorps qu'on appelle quand même à large spectre, des anticorps neutralisants qui sont capables de neutraliser plusieurs variants d'une seule espèce. Oui. En l'occurrence, par exemple, pour HIV, on cherche à avoir des anticorps neutralisants à large spectre qui vont neutraliser différents variants, une grande gamme de variants du HIV, c'est la même chose pour le SARS-CoV-2. Donc là, on est vraiment sur des anticorps à large spectre, mais destinés à neutraliser un type de virus et un seul. Et puis, effectivement, on peut chercher des anticorps neutralisants qui vont neutraliser plusieurs espèces de coronavirus. Généralement, ces anticorps sont dirigés sur des régions un peu différentes des premiers dont j'ai parlé, et ils sont souvent moins puissants, et c'est la raison pour laquelle on est un peu moins intéressé par ces anticorps qu'on peut appeler génériques, car ils sont moins efficaces que les anticorps très spécifiques. Oui, c'est ça, c'est peut-être un peu toute la clé du problème, Olivier Schwartz, c'est que plus un anticorps est générique, plus il peut s'attaquer ou s'en prendre à un grand nombre de variants, voire de virus proches, moins ils sont efficaces. Ça veut dire que l'idée d'une sorte de pénicilline des antiviraux, d'un vaccin panviral qui pourrait bien s'en prendre autant, je ne sais pas moi, au virus de la grippe que à Ebola ou que au SARS-CoV-2, ça c'est de la science-fiction. Alors, c'est sûr que les virus sont vraiment différents, les familles de virus, l'un à l'autre. Mais déjà, l'objectif d'obtenir des anticorps à large spectre au sein d'une même famille me semble plus réaliste, bien sûr. Alors, la notion de spécificité et d'efficacité, c'est vrai qu'il peut y avoir plus l'anticorps est spécifique, moins il peut avoir une efficacité marquée, mais pas vrai dans tous les cas, et c'est justement l'objectif, c'est d'essayer d'identifier des anticorps qui conservent une très forte efficacité. Une efficacité, ça veut dire qu'ils fonctionnent à une concentration très faible, mais qui sont capables de reconnaître différents variants, différents cousins viraux, par exemple. Et pour cela, il faut qu'ils se fixent sur des régions qui sont d'une part neutralisantes, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher, une fois qu'ils sont fixés, le virus de se fixer sur la cellule cible, par exemple, mais d'autre part, une région qui peut être conservée entre les différents variants. Parce que les cousins viraux, ils ont quand même besoin, même s'ils ont muté pour échapper à la réponse du système immunitaire et aux anticorps, ils ont quand même des voies de passage similaires pour entrer dans la cellule. Et donc, on peut espérer avoir ce type d'anticorps. Et dans le cas de HIV, ou même dans le cas de coronavirus, il y a certains anticorps. Certains sont sur le marché aux États-Unis, et Brigitte pourra en parler, et vont arriver en France dans certains cadres d'essai. Eh bien, nous, par exemple, au laboratoire, mais ça a été fait dans d'autres laboratoires, on a testé leur efficacité contre les différents variants du coronavirus, et on voit clairement que certains anticorps monoclonaux perdent complètement leur efficacité contre le variant sud-africain ou le variant brésilien, alors que d'autres restent vraiment efficaces. Et d'ailleurs, ça pose des questions pour les anticorps qui sont déjà commercialisés. Certains qui sont déjà sur le marché aux États-Unis ont perdu leur efficacité. lutter contre ces variants. Et donc, à mon avis, c'est un peu la fin de leur carrière pharmacologique. On va revenir dans le détail exactement sur ces questions de spécificité des anticorps. On parle d'anticorps neutralisants, on parlera aussi d'autres types d'anticorps, des anticorps de liaison. Mais je vous repose la question, Brigitte Autran, aujourd'hui, pour que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien, l'idée d'un antivirus universel, ça n'est a priori pas possible, la diversité virale étant bien plus importante que la diversité bactérienne. On ne peut pas envisager une forme d'anticorps générique qui s'en prendrait à n'importe quelle forme virale. Oui, je pense que c'est complètement irréaliste. Il faut imaginer la différence entre un VIH et un coronavirus comme entre un éléphant et une baleine. Enfin, ou un diplodocus, c'est vraiment deux espèces qui n'ont rien à voir. Et il n'est pas possible qu'il y ait des anticorps puissamment efficaces qui puissent bloquer le virus de la grippe et le virus HIV ou le virus de la bronchiolite respiratoire. Voilà, donc aujourd'hui, comme l'a dit Olivier, comme je l'avais dit, aujourd'hui ce qui est vraiment important à rechercher, et c'est l'objet de toutes les recherches, ce sont des anticorps qui sont effectivement à large spectre, mais à large spectre dans une famille qui peut compter plusieurs variants. Et donc, dans ce cadre, on a effectivement le VIH, on a les coronavirus, et en particulier le SARS-CoV-2. On peut citer aussi le virus de la grippe. Mmh. Donc, on cherche dans ces familles de virus qui ont la particularité d'avoir un code génétique spécial. Ils ont un code génétique qui est fait uniquement d'ARN. Et parce qu'ils ont un code génétique de type ARN et non pas ADN, eh bien, ces virus mutent extrêmement facilement. Et comme ils mutent très facilement, ils peuvent échapper facilement à la neutralisation exercée par les anticorps. Donc, c'est une espèce de défi extrêmement important et une sorte de course entre les virus et nous. Et nous mettons effectivement toute la science à la recherche d'anticorps à large spectre capables de neutraliser un très grand nombre de mutants, mais d'une famille de virus. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de ces anticorps à large spectre. On appelle ça des BNABs, pour Broadly Neutralizing Antibodies. Nous en parlons avec Brigitte Autran et Olivier Schwartz. On ne va pas refaire tout le cours d'immunologie de première S. Mais peut-être un mot tout de même rapidement pour rappeler la spécificité de cette réponse dite acquise ou adaptative. Parce que on a déjà finalement une réponse immunitaire à large spectre qui est extrêmement efficace, qui arrête, je crois, jusqu'à 99% des pathogènes qui rentrent à l'intérieur de notre organisme, c'est l'immunité innée. Et celle-là, son rôle, c'est précisément d'être générique, Brigitte Autran. Oui, tout à fait. Elle sert d'une certaine façon, elle sert de râteau. Elle permet de nettoyer rapidement le sang et les différents tissus des agents infectieux. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller de façon plus fine et aller dans les détails. Et on a effectivement une première ligne d'anticorps qu'on appelle des immunoglobulines M, qui sont capables de détecter beaucoup de choses, mais elles ne sont efficaces généralement que très peu de temps. Et puis, dans les deux semaines qui suivent une infection, très vite se mettent en place des anticorps plus spécifiques d'un autre type qu'on appelle les immunoglobulines G, et celles-ci vont être capables d'améliorer par des séries de mutations, d'améliorer au fil du temps leur spécificité. Généralement, il faut un certain temps pour acquérir des anticorps neutralisants avec une très haute affinité. Il faut souvent plusieurs semaines. Dans le cas du VIH, pour avoir des anticorps à large spectre neutralisants, il faut plusieurs mois. Donc, il faut vraiment une éducation du système immunitaire en présence du virus et en présence de différents variants pour arriver à stimuler suffisamment le système pour qu'il sorte le meilleur de lui-même et les anticorps les plus affins contre ces différents variants. Je vais renvoyer nos auditrices et nos auditeurs vers l'émission que nous avions consacrée à l'immunologie, où on reparlait vraiment dans le détail de ces différentes phases de la réponse immunitaire. On va rentrer dans le vif de notre sujet avec vous. Ce qu'il faut aussi peut-être rappeler dès maintenant, Olivier Schwartz, c'est qu'on pense à ces anticorps. Quand on pense anticorps, on pense facilement anticorps neutralisants, c'est-à-dire des anticorps qui vont en fait se mettre entre la clé et la serrure, qui vont empêcher les virus d'intégrer, d'infecter les cellules. Mais il y a d'autres formes d'anticorps qu'on appelle les anticorps de liaison. Alors, la réponse anticorps est variée, c'est-à-dire un anticorps a plusieurs activités, plusieurs fonctions. Il y a des fonctions qui sont dites neutralisantes, dont on vient de parler. Donc là, l'anticorps se fixe sur la spicule du coronavirus ou la protéine d'enveloppe GP120, GP41 du VIH et donc empêche le docking, la liaison au récepteur sur la cellule site de l'infection. Mais les anticorps ont également d'autres fonctions. Ils peuvent non seulement se fixer sur les particules virales, mais également sur les cellules infectées, puisque une fois que la cellule sera infectée, elle va produire des nouvelles particules virales, des nouvelles protéines virales. Certaines de ces protéines vont être présentes à la surface des cellules. Et donc, les anticorps sont tout à fait capables de se fixer là, et là, non pas de neutraliser l'infection, mais d'avoir des fonctions supplémentaires. Ils peuvent servir de pont entre des cellules qui s'appellent des cellules tueuses naturelles, natural killer cells. Les NK. C'est une réaction en anglais qui s'appelle ADCC, Antibody Dependent Cellular Cytotoxicity. Et là, ils peuvent détruire c'est un signal d'appel pour les NK qui vont se fixer sur la cellule infectée et la faire exploser, par exemple. Et donc ça nécessite pas d'ailleurs nécessairement que l'anticorps ait une fonction neutralisante. Et ça ouvre la perspective à des anticorps qui sont peut-être pas neutralisants, et donc peut-être plus à large spectre, et qui pourraient détruire les cellules infectées. Mais en fait, on s'aperçoit dans la pratique, avec le VIH, et donc nous, au labo, on a beaucoup travaillé dessus, c'est que les anticorps neutralisants à large spectre sont ceux qui possèdent également la plus grande activité type ADCC. Et puis, au-delà de l'ADCC, il y a d'autres fonctions qui peuvent être activées par les anticorps. En fait, c'est par leur extrémité, qui s'appelle l'extrémité FC, l'anticorps a une forme de Y, les deux bras du Y se fixent sur l'antigène, et la queue, au milieu, elle permet soit d'attirer des NK, par exemple, des natural killers, ou d'attirer une famille de protéines de l'immunité qui s'appelle le complément, parce qu'elle complémente l'activité antivirale des anticorps, et qui peuvent également détruire les cellules infectées, ou même détruire les particules virales. Et donc le système immunitaire est très complexe, c'est l'ensemble de ces fonctions qui sont recherchées lors de vaccination ou lors de thérapie utilisant des anticorps. Brigitte Autran, sur ces différentes phases de la réponse immunitaire adaptative, vous pouvez peut-être rajouter un mot ou compléter ce que vient de dire Olivier Schwartz? D'abord, je suis complètement évidemment d'accord avec lui. Ce qui est important, c'est de savoir que la différence entre ces fonctions d'anticorps, c'est que la neutralisation est quand même la seule fonction qui est capable d'empêcher un virus de rentrer dans la cellule. Et donc de produire une infection. Ces fonctions vont être capables de détruire des cellules infectées par différents mécanismes. Et donc, la neutralisation nous intéresse énormément car c'est le meilleur moyen d'empêcher une infection. Néanmoins, les autres fonctions, comme l'ADCC qui a été décrite, sont extrêmement importantes pour servir un peu de voiture-balai une fois qu'il y ait quand même certaines particules virales qui aient pénétré dans l'organisme. Donc, ces différentes fonctions sont complémentaires. Et ce qu'il faut bien savoir, pour ceux qui sont intéressés par l'immunologie, c'est que pour faire ce type d'anticorps, il faut bien sûr des lymphocytes B qui soient activés par les antigènes, mais il est absolument nécessaire qu'il y ait également un partenariat important, une intervention, une coopération avec ce qu'on appelle les lymphocytes T, donc les autres éléments de l'immunité cellulaire. Et les anticorps qui sont extrêmement efficaces sont le résultat d'une très importante coopération entre les différentes cellules de l'immunité innée, de l'immunité adaptative. Et c'est vraiment quelque chose qui est difficile à faire pour le système immunitaire. C'est pour ça qu'on ne le fait pas comme ça en claquant des doigts. C'est aussi pour ça qu'il est souvent difficile avec des vaccins d'induire ce type d'anticorps parfait. Il faut arriver à activer de façon synchrone tous ces composants de l'immunité. C'est très complexe, c'est passionnant, bien évidemment. Oui, c'est passionnant, mais tout le monde est passionné par l'immunologie, Brigitte Autran, en tout cas toutes les auditrices et tous les auditeurs de la méthode scientifique. Moi, le premier, ce qui est intéressant, et pour finir, pour qu'on comprenne bien et qu'on ait tous les mécanismes en tête, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, les virus mutent, les virus à ARN mutent un peu plus parce qu'ils n'ont pas de système de correction de leur génome au moment de la réplication, et bien et évidemment, quand ils sont soumis à une forte pression de sélection, quand il y a beaucoup d'anticorps qui vient prendre son parti et vient les détruire ou en tout cas les empêcher de faire leur travail, et bien les quelques virus qui vont avoir la mutation de ces protéines de spicules très spécifiques vont pouvoir leur échapper. Donc c'est là-dedans qu'il y a une sorte de jeu de course à la vitesse de la mutation entre les anticorps et les virus pour échapper finalement à cette pression sélective déclenchée par la réponse immunitaire, Brigitte Autran. Oui, et on peut même dire que l'existence même de mutants, qu'on appelle les mutants d'échappement, sont la preuve de l'efficacité, c'est-à-dire que des anticorps. Si un anticorps est efficace contre un virus à ARN, il va automatiquement induire permettre la sélection de mutants. Il ne les induit pas. Le virus mute spontanément et c'est l'anticorps qui va permettre la sélection. L'anticorps va écraser tous les virus qui sont sensibles à sa pression neutralisante. Et puis tous ceux qui ne sont pas sensibles vont proliférer. C'est comme ça, malheureusement, c'est la vie, c'est un phénomène totalement darwinien qui régit l'ensemble de la vie sur la planète. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, la recherche sur ces fameux anticorps à large spectre et de réussir à combiner des anticorps qui, d'un seul coup, puissent non seulement pas forcément repérer, la partie la plus spécifique du virus, mais des parties un peu plus génériques qui mutent moins tout en gardant, leur efficacité de neutralisation. Et on voit bien là qu'on est finalement dans une sorte de recherche un peu paradoxale, Olivier Schwartz. Nicolas, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. La difficulté, c'est d'avoir des anticorps qui génèrent le moins de possible de pression de sélection, donc de mutants d'échappement, également qui, la plupart des anticorps neutralisants finalement vont empêcher l'entrée du virus dans la cellule. Donc c'est une espèce de talon d'Achille dans le cycle de multiplication du virus, puisque il est au moment d'entrer dans la cellule, il est obligé d'exposer justement cette région de lui-même. Et donc c'est la cible à la fois du système immunitaire des anticorps et à la fois de l'étape la plus délicate pour le virus où il est le plus exposé. Alors donc ça laisse une fenêtre de tir assez réduite. Et si le virus arrive à faire ça plus rapidement que certains anticorps n'arrivent à le bloquer, il pourra être sélectionné et se propager plus rapidement. Qu'est-ce que c'est exactement du coup ces BNABs, Brigitte Autran, pour Broadly Neutralizing Antibodies, ces anticorps neutralisants à large spectre? On les a découverts assez tardivement, dans les années 90, et je crois dans la recherche pour le VIH. Oui, ça a été mis en évidence dans la recherche pour le VIH. Je pense qu'en fait, c'était déjà un peu connu avant, mais on ne les avait pas réellement appelés de cette façon. On n'avait pas non plus ce défi immense d'un virus létal comme le VIH et qui varie autant que le VIH. Donc, on n'avait pas eu jusqu'aux années 80-90 le besoin de mettre la main sur de tels anticorps. Et effectivement, il y a eu une première génération de découvertes de quelques anticorps. C'était 4 anticorps qui ont été découverts par une équipe autrichienne dans les années 90 qui, par une sorte de miracle, de façon totalement exceptionnelle, cette équipe autrichienne a détecté chez quelques patients infectés des anticorps qui étaient capables de neutraliser presque toutes les souches de VIH. Et puis, cette première génération s'est révélée intéressante, mais il fallait des concentrations très importantes de ces anticorps pour qu'ils soient actifs. Et puis, c'est grâce à des booms technologiques en immunologie qu'au cours des années 2000, au début des années 2000, il est devenu beaucoup plus facile d'isoler de tels anticorps broadly neutralizing, donc à large spectre, grâce à des sauts technologiques importants. Et donc maintenant, on sait que, par exemple, pour le VIH, en fait, tous les patients ont des anticorps neutralisants. Malheureusement, assez peu ont des anticorps à large spectre. Et on sait aussi que ces anticorps à large spectre n'apparaissent qu'au bout de parfois 6 mois, 1 an, voire 2 ans d'infection, tellement il est difficile de faire monter ces anticorps et d'arriver à sélectionner ces anticorps. Mmh. Voilà. Et puis maintenant, on a ce modèle du VIH et donc on essaye de faire la même chose et on commence à y arriver pour le SARS-CoV-2. Moi, je pense que le SARS-CoV-2 est un défi un peu moins important que le VIH car probablement mute un peu moins. Mmh. Et donc, aujourd'hui, déjà, on sait qu'il y a des anticorps à large spectre, en particulier l'Institut Pasteur vient d'en isoler, qui sont extrêmement intéressants. Je pense qu'Olivier pourra en parler, qui ont un potentiel thérapeutique très, très, très intéressant. Certainement extrêmement intéressant. Et puis on ira, ce sera le thème du reportage du jour. Mais avant cela, j'aimerais qu'on comprenne bien, finalement, comment est-ce qu'il fonctionne? Quelle est la différence entre un anticorps spécifique lambda, Olivier Schwartz, et un anticorps à large spectre? Pourquoi est-ce que ces anticorps réussissent à reconnaître et à neutraliser plus de variants, alors que finalement, c'est le même type d'outil? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais insister sur ce qu'a dit Brigitte, c'est le saut technologique important qui a été fait pour les identifier, pour savoir pour identifier les plus efficaces. Donc, ce sont des techniques de single cell cloning. Donc, on part de millions de globules blancs de lymphocytes B et on arrive à trouver la cellule qui produit le plus d'anticorps parce qu'en fait, les anticorps sont exposé à la surface du globule blanc, donc de lymphocyte B, on peut prendre ce globule blanc et après, on peut isoler les séquences du gène qui code pour les immunoglobulines et les faire produire de façon synthétique à grande échelle. Donc, il y a vraiment eu ce saut technologique. On est bien loin des premières expériences de sérothérapie. Vous savez, vous avez parlé de Fleming, mais on peut remonter aux années 1900. En fait, c'est Emil von Behring qui, lui, tout simplement prenait le sang d'animaux ou de personnes qui avaient été atteintes de diphtérie pour isoler des anticorps anti-diphtérie. Mmh. Et donc, d'ailleurs, c'était le premier prix Nobel de médecine en 1901. C'était sur cette approche. À l'époque, on était bien loin de cloner. Et donc, il y a toutes ces étapes technologiques qui ont permis maintenant d'isoler la fraction la plus active dans tous les milliers ou millions d'anticorps qui peuvent circuler. Et donc après, ça ouvre justement à, d'abord, une fois qu'on a accès à la séquence de ces anticorps, on peut, et leur structure surtout, il y a eu un autre saut technologique, c'est l'analyse par cryo-électro-tomographie ou par rayon X. Donc on sait exactement comment se fixe l'anticorps sur sa cible. On peut même le modifier si besoin pour essayer d'améliorer. On peut également modifier la partie dont je parlais tout à l'heure, le fragment FC, donc la queue du Y, pour augmenter la demi-vie de l'anticorps après injection. Donc il y a un ensemble de progrès technologiques qui ont abouti à ces anticorps à large spectre. Et on va discuter dans quelques instants pour bien comprendre encore une fois, déjà pourquoi tout le monde n'en développe pas immédiatement, si c'est si efficace que ça. Pourquoi est-ce qu'il faut autant de temps pour que ces anticorps à large spectre apparaissent et comment exactement ils fonctionnent et comment ils gardent un effet de neutralisation fort alors qu'ils sont a priori moins spécifiques que leurs petits camarades anticorps neutralisants normaux. On en parle dans un instant. C'est toujours qu'un faux départ, sans changement d'adresse. J'ai beau vider les placards, je retourne ma veste. Quand c'est moi qui pars, c'est que l'autre reste. Pourtant, tout drôle d'histoire de Junior à 16h35 sur France Culture. Nous parlons des anticorps à large spectre en compagnie de Brigitte Autran, qui est professeure émérite d'immunologie à Sorbonne Université et coordinatrice du groupe Anticorps Monoclonaux à l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Maladies Infectieuses Émergentes, et Olivier Schwartz, qui est directeur de l'unité Virus et Immunité de l'Institut Pasteur. Alors, je reviens à ma question précédente, Brigitte Autran. Comment est-ce qu'ils fonctionnent exactement? Quel est leur mode de fonctionnement qui les rend finalement plus inclusif en quelque sorte que les anticorps normaux, ces anticorps à large spectre? Eh bien, en fait, un anticorps, pour être très spécifique, reconnaît une portion extrêmement petite d'une protéine. Il lui suffit en gros de 5 ou 6 acides aminés pour se fixer de façon extrêmement spécifique. Et donc, la différence entre des broadly neutralizing, donc des BNAPs et des anticorps à large spectre et des anticorps à spectre plus étroit, c'est que ces acides aminés, qui sont les acides aminés clés de l'antigène reconnu, vont être plus ou moins susceptibles de muter ou plus ou moins conservés. Donc, s'ils ont des propriétés de conservation, c'est-à-dire s'ils mutent peu, eh bien, et s'ils sont situés dans une région qui est vraiment importante pour la fixation du virus à son récepteur, eh bien, les anticorps qui sont capables de reconnaître ces quelques acides aminés conservés dans une région clé du virus vont sans doute se comporter comme des anticorps à large spectre. Alors que des anticorps qui seraient dirigés contre une région clé mais avec sur des acides aminés plus susceptibles de muter, auront un spectre plus étroit. Et comment expliquer que tout le monde ne développe pas immédiatement ces anticorps à large spectre, puisque si c'est une réponse immunitaire très efficace, on pourrait imaginer qu'elle ait été sélectionnée et amplifiée immédiatement, naturellement, par à peu près n'importe quel vertébré. Oui. Alors, il y a évidemment un effet génétique. Tout d'abord, comme je l'ai dit précédemment, ces anticorps ne peuvent pas se faire tout seuls. Il y a besoin d'une coopération cellulaire très importante, notamment avec les lymphocytes T. Et donc, tout ceci est gouverné par différents facteurs génétiques, le système HLA, mais beaucoup d'autres aussi. Et nous avons nous avons dans notre code génétique une gamme extrêmement large de régions variables d'anticorps que l'on peut utiliser vis-à-vis de différents agents infectieux. Et toute l'astuce, et c'est un peu la génétique qui va gouverner ça, c'est comme un clavier en fait. Et donc, il va falloir taper sur quelques touches pour arriver à faire un anticorps qui soit un candidat à un BNAP. Mais tout le monde n'a pas les bonnes touches. Et il y a une certaine inégalité génétique dans la capacité à faire des anticorps de très haute qualité. Et puis, il y a certains virus, notamment le VIH, qui ne peuvent être neutralisés que par des anticorps qui correspondraient à des touches de clavier extrêmement rares. Pour générer des anticorps neutralisants à large spectre. Donc voilà, on n'est pas tous égaux malheureusement devant la maladie. Heureusement, ça ne dépend jamais d'un seul gène. C'est extrêmement polygénique et donc on a quand même des chances d'y arriver. Il faut pas être pessimiste, sinon on n'existerait pas. Absolument, vous avez bien raison. Olivier Schwartz, pour compléter ce que vient de dire Brigitte Autran. Les explications de Brigitte étaient très claires. Ce que je pourrais rajouter, par exemple, c'est que il y a aussi un phénomène de convergence et que finalement, quand on mélange ces touches et qu'on aboutit aux anticorps les plus efficaces, eh bien, on peut retrouver les mêmes séquences chez différents individus. Donc, et ça peut dépendre des types d'infection. Maintenant, on peut bien sûr séquencer les anticorps et donc on sait de quoi ils sont faits. Mmh. Eh bien, c'est passionnant de voir que ces phénomènes à bas bruit, très rares, vu le million de globules blancs, de lymphocytes B qui circulent, eh bien, il y a quand même les mêmes phénomènes qui peuvent se produire chez différents individus. Et ça nous montre en plus que, eh bien, que ce sont peut-être ça les meilleurs anticorps à sélectionner. Mmh. Alors, les recherches, donc, comme vous l'avez entendu, sur les anticorps à large spectre s'appliquent Eh bien, notamment et en grande partie pour des raisons que vous comprendrez assez aisément dans la lutte contre le VIH, les binabs sont synthétisés et testés notamment à l'Institut Pasteur dans l'unité virus et immunité dans laquelle vous vous êtes rendu, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour Nicolas, oui, j'ai retrouvé Timothée Bruel. Depuis des années, il travaille sur le VIH de type 1 à partir d'un phénomène constaté chez certains patients après des années d'infection, à savoir une forme d'optimisation de la reconnaissance virale, une activité qui se traduit par une meilleure capacité de neutralisation à large spectre et qui est efficace contre de nombreux isolats viraux. Concrètement, en partant de sérums de patients produisant les meilleurs anticorps, il est possible en laboratoire de les produire en masse par cytométrie de flux. Le principe serait ensuite de les injecter chez d'autres patients qui pourraient en bénéficier à leur tour. Une piste testée sur modèles animaux et qui pourrait avoir un potentiel pour le SARS-CoV-2. Les gens infectés par le VIH produisent des anticorps. Cette réponse, elle est ce qu'on appelle polyclonale. Ça veut dire qu'en fait, leur système immunitaire va créer un nuage d'anticorps différents, très très large, dans l'espoir de combattre le virus. Ça, pour le VIH, on sait que ça marche concrètement pas. C'est-à-dire que le VIH va toujours évoluer, va toujours éviter les anticorps. Néanmoins, il y a toujours une très forte variabilité et diversité dans les réponses immunitaires. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que certains individus vont avoir dans leur sérum une réponse polyclonale extrêmement bonne, qui neutralise beaucoup de, très très bien les virus. Et en fait, ces gens-là, c'est le 1% de gens infectés par le VIH qui a une réponse neutralisante élite, de le top 1%. Et en fait, en faisant ça, en isolant le 1% ou le 1 pour 1000 des anticorps les plus puissants, et ben on obtient des anticorps à large spectre qui sont hyper bons pour combattre le VIH. Et ensuite, ces anticorps-là, on peut les produire à grande échelle et les injecter chez tout le monde pour que tout le monde ait une réponse neutralisante très très forte. Donc ça, c'est le labo P3 où on a fait ces études-là, où on travaille sur le VIH. Et donc en gros, c'est là qu'on fait les manips, c'est là qu'on travaille sur les échantillons de patients. Alors typiquement, on reçoit des poches en début de semaine. On isole les cellules du système immunitaire, donc les globules blancs. On fait une seconde isolation pour isoler les lymphocytes TCD4, qui sont vraiment les cellules cibles du VIH. On va les stimuler, on va leur faire croire qu'il se passe un truc, comme ça elles vont s'amplifier, elles vont un peu se réveiller, quoi. Ça dure quelques jours. Et là, on les infecte par le VIH et on fait nos tests voilà, en fin de semaine. Et l'autre protocole qu'on a beaucoup utilisé, c'est quand on utilise des sangs de patients. Là, en fait, on récupère le sang, donc on reçoit les échantillons. Et là, en fait, dans les échantillons de patients, on sait que quand ils sont sous traitement, il y a à peu près une cellule infectée pour 1 million de cellules non infectées. Et donc là, on est obligé de cultiver les cellules pendant, on va dire, 7 à 14 jours. On va avoir du virus qui va sortir entre 30 à 50% des gens. On évalue leur niveau d'infection par cytométrie de flux, je vais vous montrer. Et le jour où on estime qu'on a suffisamment de cellules infectées pour faire nos tests, on fait les manips. En fait, on fait des arborescences de possibilités. Si le virus il sort au 7e jour, il faut que j'ai des NK prêtes. Donc du coup, je vais commander du sang le 6e jour pour préparer mes cellules NK qui seront utilisables à jour 7 et 8. Si jamais en fait le virus il est pas prêt, ben qu'en fait il sort qu'à jour 10. Donc je vais commander du sang aussi à jour 9. Donc en fait on se décale, on essaye de on croise un peu les doigts des fois et puis on s'en sort comme ça. Donc ça c'est la pièce où on a les cytomètres. Donc c'est une machine qui permet de mesurer des cellules, cytomètre. Donc en fait, le cytomètre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les cellules dans une aiguille et par différents jeux de fluidique, il va aligner toutes les petites cellules. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle des immunomarquages. Donc là, on va utiliser des réactifs qui sont fluorescents et donc qui vont émettre de la lumière quand ils sont percutés par un laser. Et ces immunomarquages, on va les faire spécifiquement par rapport à des protéines qui nous intéressent. Typiquement, une protéine du VIH, ça va vous dire que vous avez 7%, 20%, 30% de cellules infectées. Et donc là, on peut chercher des traitements. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on fait des tests de mortalité, on va par exemple prendre une culture où il y a 15% de cellules infectées. On va l'exposer à des anticorps et des cellules NK pendant 3 heures. Et au bout de 3 heures, on va mesurer le pourcentage de cellules infectées dans toutes ces conditions. Et quand on identifie des conditions dans lesquelles on voit une disparition de cellules infectées, on valide que cette disparition elle est due à de la mortalité en filmant les cellules. Et là, je vais vous montrer, on les voit vraiment mourir en live, en fait. Donc ça, c'est une image de microscopie. Donc c'est un film. Donc là, il y a trois cellules cibles qui sont emprisonnées. Une est infectée, c'est pour ça qu'elle est verte. Et on met dedans aussi des NK, donc les cellules tueuses. On voit les cellules qui se baladent, les NK qui vont venir en contact avec la cellule infectée. Hop, là, il y a un contact. Et en fait, ce qu'on voit là, c'est qu'on voit la cellule infectée qui s'est mise à avoir des protubérances arrondies. Et en fait, ça, ces protubérances comme ça, c'est très caractéristique d'une cellule qui est en train de mourir. Donc, on voit que la cellule, elle commence comme ça à avoir des bulles. Et là, on voit en bleu apparaître un marquage du noyau. Et en fait, ça, c'est parce que dans le milieu, en fait, on met un réactif qui va colorer en bleu les cellules qui meurent. Et donc on voit clairement que la cellule infectée devient bleue, donc elle est morte. Elle s'arrondit d'ailleurs, elle arrête de bouger. Alors que si on regarde les cellules à côté qui n'étaient pas infectées, elles ne sont pas bleues du tout. Et donc en fait on a appliqué ces méthodes dirigées contre le VIH, les anticorps à large spectre. On les a utilisées, on les a adaptées plus précisément à l'étude du SARS-CoV-2. Et donc parmi ces cellules, on en a une qui est infectée, de la même manière, elle est verte. Et on a des petites cellules comme ça, qui sont encore une fois les cellules NK. Et là, de la même façon, on voit tout ce petit monde qui bouge. Donc les cellules infectées par le coronavirus bougent moins parce que c'est des cellules adhérentes, c'est des cellules d'épithélium, donc elles sont un petit peu plus... elles sont moins en mouvement. Et là, on voit typiquement une NK qui arrive, ici, donc, qui a un contact avec la cellule cible. Et là, on voit, à la zone de contact, on voit le réactif qui rentre. On voit déjà, hop, ce contact, il vient de tuer la cellule, en fait. On le sait tout de suite. On voit la cellule qui meurt et la NK qui s'en va. Voilà, vous venez d'assister quasiment en direct à la destruction d'une cellule infectée par le VIH sous microscope. J'imagine que ça devait être pas mal. Céline Lozen nous le dira peut-être un jour hors micro. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre. Brigitte Autran. Oui. Une réaction à ce reportage et aux recherches à l'Institut Pasteur justement sur le développement de binabs synthétiques dans la lutte contre le VIH. On est très fiers de ce laboratoire qui est un excellent laboratoire. C'est le laboratoire d'Olivier Schwartz et vraiment ces équipes sont capables de faire sortir des anticorps de très grand intérêt à partir des cellules B, des lymphocytes B des patients et notamment pour le VIH mais aussi pour le SARS-CoV-2. Et on est très très impatients. On essaye de faire le maximum pour les aider à en faire de splendides outils thérapeutiques. Olivier Schwartz, alors une question, mes fameuses questions de béotien, puisque manifestement votre laboratoire arrive à développer des binabs monoclonaux qui sont efficaces, comme on vient de l'entendre. Finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas sur le marché aujourd'hui un sérum qui permettrait de régler ces problèmes d'infection au VIH grâce à ces anticorps à large spectre extrêmement puissants? Alors, tout d'abord, bon, le reportage était passionnant. Timothée vous a bien expliqué effectivement la nature de nos recherches, mais je voudrais préciser que notre laboratoire ne produit pas, n'identifie pas directement ces anticorps. C'est un autre laboratoire de l'Institut Pasteur dirigé par Hugo Mouquet, donc qui a mis au point toute la technologie de clonage de ces anticorps. Et nous, notre rôle consiste, après à ce qu'il les ait identifiés, caractérisés, nous, c'est de les caractériser vraiment dans des systèmes de culture cellulaire et en présence de virus. Donc c'est vraiment un travail collaboratif entre différentes équipes. Et donc là, du coup, j'ai oublié votre question. Alors ma question, c'est puisqu'on dispose de ces binabs manifestement très efficaces, oui, pour faire réagir le système immunitaire au VIH et à ces différents variants, pourquoi est-ce qu'on ne dispose pas aujourd'hui d'un sérum à base de binabs monoclonaux qui permettrait de régler ou de résoudre les infections au VIH et donc de soigner, pourquoi pas, complètement la maladie? Alors pour le VIH, donc il y a des binabs qui ont été produits, bah également d'ailleurs par le laboratoire d'Hugo Mouquet. Certains sont en essai clinique. Alors heureusement pour le VIH, on a d'autres options thérapeutiques. On a la trithérapie qui fonctionne extrêmement bien. Ces outils, les binabs pour le traitement ou la prévention d'infection du VIH, ont peut-être une place moins évidente qu'un traitement antirétroviral qui, dans la plupart des cas, n'a pas besoin d'une injection. Les anticorps doivent être injectés. L'avantage des anticorps, c'est qu'on peut les injecter une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Et donc, il y a des essais cliniques qui montrent leur efficacité. Et par contre, il y a une utilisation intéressante, c'est peut-être chez les personnes qui suivent un traitement antirétroviral depuis de nombreuses années, c'est d'arrêter ce traitement antirétroviral et de voir si l'injection d'un anticorps peut rééduquer leur système immunitaire à contrôler l'infection. Et ça, c'est un effet d'ailleurs assez intéressant, qui n'est pas très bien compris. C'est ce qu'on appelle l'effet pseudo-vaccinal de l'anticorps lui-même. Injecter un anticorps à forte efficacité va faire un effet, même quand l'anticorps ne sera plus présent, sera dissipé, le système immunitaire, peut-être parce que l'anticorps s'est fixé sur sa cible, sur la protéine d'enveloppe du VIH, il y a ce qu'on appelle des immuns complexes qui ont été formés, et donc ça a réactivé également le système immunitaire et son efficacité. Ça, c'est une piste de travail intéressante. Mmh. En fait, les anticorps sont utiles monoclonaux pour des infections pour lesquelles il n'y a pas de traitement disponible ou il n'y a pas de vaccin disponible. C'est le cas par exemple du coronavirus où là ils sont déjà en clinique. Donald Trump en a bénéficié lorsqu'il en a eu besoin. Mais leur fenêtre d'action d'ailleurs est intéressante. C'est probablement, il faut les donner très tôt au cours de l'infection, parce que dans le cas du coronavirus, il y a deux phases de la maladie. Il y a une phase plutôt virale et une phase plutôt inflammatoire. Donc, il faut agir très tôt. Et donc, l'indication du traitement antiviral par anticorps concerne peut-être les personnes les plus à risque, et ça, Brigitte pourra le préciser, et en début de traitement. S'ils sont donnés trop tard, l'organisme a déjà produit ses propres anticorps au bout de 15 jours et donc là, leur rôle est moins évident d'un point de vue thérapeutique. Mmh. Oui, Brigitte Autran, c'est peut-être important vraiment de préciser cela, hein, c'est que ces BINABs, ils peuvent servir à contrôler la phase virémique d'une infection, c'est-à-dire le moment, ce premier moment initial où le virus va se répliquer énormément à l'intérieur du corps humain. Ça n'est ni un vaccin, ni un moyen de contrôler les phases ensuite infectieuses ou inflammatoires, comme on peut connaître dans la deuxième partie de la maladie Covid, c'est-à-dire après 10-15 jours d'infection. Oui, tout à fait. Et comme l'a très bien dit Olivier, il faut vraiment utiliser ces anticorps qui ne sont pas encore mis sur le marché. Ils sont en autorisation d'utilisation temporaire parce que leur développement clinique n'est pas encore totalement terminé. Mais néanmoins, l'État français a acheté un grand nombre de doses de ces anticorps, dont effectivement celui qu'a reçu Donald Trump, pour permettre de traiter des patients à très haut risque de développer une Covid sévère. Et donc, le but, c'est vraiment d'identifier, c'est très important, d'identifier dès les premiers symptômes une infection de type Covid-19, de la confirmer par un test diagnostique quel qu'il soit le plus rapidement possible. Et ensuite, on a 5 jours pour déclencher le traitement. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il faut déclencher le traitement avant même que les formes, que la gravité de la maladie se soit déclarée. Donc, on a été obligé de sélectionner comme bénéficiaires les patients qui avaient le plus de risques d'évoluer vers les formes très graves. Il s'agit généralement de patients qui ont un système immunitaire qui ne fonctionne pas bien, donc souvent les transplantés, les patients atteints de cancer qui ont des chimiothérapies très actives ou différentes maladies sous traitement qui diminuent le système immunitaire, ou des sujets très âgés avec des facteurs de risque d'évolution sévère. Et donc là, c'est une vraie course. Et pendant que vous me parlez, pendant l'émission, j'ai viens d'être contactée pour un malade de ce type-là. Donc c'est vraiment une course. Il faut agir très vite. Et alors, c'est comme un médicament antiviral. Ça va contrôler la réplication du virus et ça va empêcher la maladie d'évoluer vers les formes graves. Par contre, là où il y a la limite de ces anticorps, c'est que aujourd'hui nous les utilisons comme anticorps qu'on appelle monoclonal, c'est-à-dire issus d'un seul clone de lymphocyte B, donc qui ne reconnaissent qu'un tout petit groupe d'acides aminés, 5, 6, 7, 8 acides aminés, Et il y a un risque d'émergence de mutants, de variants après utilisation de ces anticorps. Donc on fait extrêmement attention, on est très très attentif à cela et on essaye de privilégier des cocktails, donc des bithérapies par anticorps. C'est ce qui est proposé en ce moment en France. Il y a deux sociétés qui ont reçu une autorisation temporaire d'utilisation pour des bithérapies. C'est le même principe finalement que pour le VIH avec les traitements antirétroviraux. On est passé de la monothérapie à la bithérapie puis à la trithérapie. Et bien là, on préfère des bithérapies d'anticorps neutralisants contre le SARS-CoV-2. Peut-être qu'un jour, on passera à des trithérapies. Réellement, le bénéfice attendu est extrêmement important. Et dans cette phase où on est en pic épidémique, c'est très, très important de pouvoir bénéficier de ces traitements et de le faire savoir. Donc, c'est bien que vous fassiez cette émission. on sert également à ça. Et puis, par ailleurs, ces questions immunitaires sont assez captivantes et passionnantes. Une question peut-être justement pour le futur, puisque, comme je le citais au début de l'émission, ce papier dans Nature Communication qui alerte en disant qu'il faut relancer la recherche pour un éventuel échappement futur d'un autre type de virus, qui ne serait pas le SARS-CoV-2, mais d'un autre type de coronavirus. Aujourd'hui, Brigitte Autran, et pour conclure, où on en est d'un binab qui permettrait de maîtriser tous les coronavirus? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? On est un tout petit peu déçus parce qu'il y a un anticorps monoclonal thérapeutique contre le SARS-CoV-2 qui a été dérivé de lymphocyte B d'un patient qui avait été infecté non pas par le SARS-CoV-2, mais par le SARS-CoV-1, donc le SARS de 2003. Eh bien, cet anticorps n'est pas si intéressant que cela, semble-t-il. En tout cas, il a été un tout petit peu décevant dans certains essais cliniques. On s'est aperçu que si on l'utilisait très, très précocement, il était plus intéressant. Mais voilà, encore une fois, il faut absolument continuer cette recherche d'anticorps à très large spectre. Il ne faut pas non plus être trop ayatollah. Et quand on a un bon anticorps à large spectre, eh bien, il faut savoir l'utiliser. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Brigitte Autran. Merci Olivier Schwartz d'être venu nous parler de ces anticorps à large spectre. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Natacha Triou, Naguet Saint-Vulfran, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Céline Lausanne, Ève Etienne, Olivier Bétard à la réalisation et Baptiste Lénard à la technique, dont on salue le papa au passage. Demain, troisième et dernier chapitre de notre série consacrée à Albert Einstein après la relativité restreinte, après la relativité générale. Nous allons parler de la longue troisième partie de la vie scientifique et de recherche d'Albert Einstein, qui est certes moins tonitruante que les deux théories de la relativité, mais qui est tout aussi intéressante. Et on parlera notamment de son rapport avec les recherches en mécanique quantique. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.